Ouais, c'est la 2 là. Ouais, c'est la 2 là. Je crois qu'on délire. Je leur arrive pour garder l'ivresse. Tu prends ton star en dérivé. Et qui prêche, je retrouve qu'à délivrance. C'est trop son, tu l'as senti, mec. À 15 ans, sur le terrain, j'emploie mes sentiments. Toujours le doigt levé, bouge moins d'un centimètre. Pas de chance, à 16 ans, j'ai plus la santé, moi. Je les prends pas à 10, j'armais les yeux, c'est une part douce. Pas prêt de partir, je manque pardon, faut pas dire que c'est par dose. Tu sais que j'ai carburé, je reprends le chemin de la maison quand il se met à repurer. Trop victime au-dessus du tas bourré, je suis en face, je reste de base, finis sous terre bourré. Et c'est hallucinant, toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui génère. En se coupant les rétros, les haines qui génèrent. Et c'est hallucinant, toute la haine qui génère. Rafale de Yankee à leur caisse qui génère. En se coupant les rétros, les haines qui génèrent. Je regarde pour toi, j'ai fait le con, j'ai fait le saut. Des fois je m'en défonçais le saut, je faisais le tour. Je regarde pour toi, j'ai fait le con, j'ai fait le saut.